Ça y est, c'est le moment des bonnets rouges et c'est parti, on continue après Sky Punka, toujours avec une heure de punk, de 22h à 23h, tous les vendredis soirs. C'est un excellent morceau issu du très bon album de The Sumner Brothers s'intitulé The Hell in Your Mind, et le morceau était intitulé tout simplement Go This On Alone. C'est toute une introduction. Ouais, assez progressive, assez calme. Ouais, on va continuer tout en douceur en folk avec le groupe Kelna Boy, Morceau issu de leur album Prison Bars and Battle Scars est intitulé Biker Hill et ce sera suivi avec les Real Mackenzie. Real, comme real. Tu préfères. Real. The Real Mackenzie. Voilà, tu veux. Est-ce que tu connais le titre du morceau? The Real Mackenzies. Vas-y, et le titre du morceau maintenant? C'est laquelle? Je te laisse deviner. Déjà, on va commencer à jouer aux devinettes, l'album. Avec ta minute. Le Blue Nose? Non, Westwind. Ah ouais? Ah, Westwind. Et ce sera le morceau Barrett's Privateers. Win. Et ce sera suivi, on terminera ce bloc avec les Fiddler's Green et le morceau Scalding Wye et issu de l'album Wall of Folk. Alors on a dit, le trio gagnant c'est Kidna Boy, Real Mackenzie Real? Et Fiddler's Green. And the Jags. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. And on a king's birthday we sailed away. How I wish I was in Sherbrooke now. We were 97 days from Montego Bay. We were pumping like madmen all the way. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Barrett's privateers. And on the 98th day we sailed again. How I wish I was in Sherbrooke now. We with a big fat American hove in sight. Our crack for pounders made to fight. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris privateers. Oh, that Yankee sea lay low with gold. How I wish I was in Shorebrooke now. She was big and fat and loose at the stays, and to catch her took us 3 whole days. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no guns, shed no tears. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris privateers. What at last we stirred 2 cables away. How I wish I was in Shorebrooke now. Well, that crack 4 pounders made an awful din, but an American ball come staved us in. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris privateers. Now the antelope shook and she pitched on her side. How I wish I was in Shorebrooke now. Well, Bella was smashed like a bowl of eggs, and the main track took off both my legs. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tears. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris privateers. So here I lay in my 23rd year. How I wish I was in Shorebrooke now. Well, it's been 6 years since we sailed away, and I just made Halifax yesterday. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris privateers. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, and you'll never find a better man far or near. I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris privateers. Well, I came into a scolded wife a few short years ago, and ever since I lead a life of misery and woe. My wife, she's a tyrant around the room and in. I should sell her to the devil for a glass or 2 or gin. Sure, I'll get up and go to work as mild as any man, and she'll get up and dress herself and go and have a dram. And have a chance to say a word, it's well I know my due. She'll follow me with the fire shovel up and down the room. And if the devil will take her, I thank him for his pain. At breakfast time she'll tap me on the head. When I come home at dinner time, I'll find her drunk in bed. When I come home at supper time, at patience I must stop, cause she drinks what's in the teapot, and I must drink the stuff. And if the devil will take her, I thank him for his pain. I swear to God I'll hang myself if I get married again. And if the devil will take her, I thank him for his pain. Oh, I swear to God I'll hang myself if I get married again. I asked my scolding wife if I could go to bed. She scarce gave me an hour on the pillow to lay my head. Well, like a roaring lion, she came busting down the door. She caught me by the middle and threw me naked on the floor. And if the devil will take her, I thank him for his pain. I swear to God I'll hang myself if I get married again. And if the devil will take her, I thank him for his pain. Though I swear to God I'll hang myself if I get married again. We'll be right back. companions go to a public place. She searched around the neighborhood until she finds my face. She hoists me up in ridicule before the company, saying, "Pretty good, this your master, and forever more shall be." And if the devil will take her, I thank him for his pain. I swear to God, I'll hang myself if I get married again. And if the devil will take her, I thank him for his pain. No, I swear to God, I'll hang myself if I get married again. And if the devil will take her, I thank him for his pain. I swear to God, I'll hang myself if I get married again. And if the devil will take her, I thank him for his pain. No, I swear to God, I'll hang myself. I swear to God, I'll hang myself. I swear to God, I'll hang myself if I get married again. Et un bloc folk avec le morceau Scalding Wife des Fiddles Green, issu de l'album Wall of Folk. Et juste avant, c'était Barrett's Privateers, The Real Mackenzie. Et juste encore avant, c'était Biker Hill de Killnaboy. Et on va continuer avec The Killigans et un morceau issu de leur album One Step Ahead of Hell, intitulé Give the Bastard Hell. Et ce sera suivi d'un morceau des Machine Gun Dolly avec Better Days. Music. Like a rap disease on child runs, I know where you C'était les Machine Gun Dooley avec le morceau Better's Day issu de leur album Until the Grim Reaper qui était précédé de The Killing Gang, c'est la pièce Give the Bastard Hell. Et on va continuer en live dans les bonnets rouges avec un morceau issu de Live at the Roxy des Social Distortion et le morceau Prison Bound. How you doing, man? You know, I was driving through Hollywood today and it was that parking lot across the street from the whiskey. About 18 years ago, we used to sit back there and drink, and we'd get warmed up for the show. That was back when a time when society was not quite ready for this type of music. Does anyone remember those days? That's when punk rock was dangerous, right? You couldn't walk into a mall and get your little pussy pierced and and your little Doc Martin boots and your crazy color for your hair. You walk down the street with blue hair, you was gonna get in a fight with about five angry construction workers or the local college football team, rednecks or cops. Yeah, sometimes they kicked our ass, but you know what? Sometimes we beat the fuck out of them. That's right, I was about 4 foot fucking eight, and I hit the biggest motherfucker there. This song's called Prison Bound. Shines. Oh, I'm present bound. Tell my girl I'm in. action. Like Johnny says, I walk the line. With three hearts and a cot and a lot of talk. We're lock up, concrete and steel. Well, it's cold and it's clammy. Man, it's colder than a pimp's heart. And I gotta do my time. There's a lesson to be learned here. And what a price to pay. Virale VPS a été mise à jour. La base virale VPS a été mise à jour. La base virale VPS a été mise à jour. Ça me saoule ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta base gueule, virale VPS ta gueule, a été mise à jour. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. La base virale VPS a été mise à jour. J'aime passer mes journées devant mon ordinateur. Mon meilleur ami est un des plus grands navigateurs. Je voyage en visitant les plus beaux sites du monde. Tel un geek solitaire à la pensée vagabonde. Bravant les affronts de ma mère en furie. Qui me dit viens manger petit con, t'auras pas servi. Elle comprendra jamais d'arrêter un joueur en plein Call of Duty. D'arrêter un joueur en plein Call of Duty. Sans honte et sans remords, je télécharge illégalement. Les virus c'est la galère, hey. Les virus c'est la galère, hey. De nombreux trésors en streaming évidemment. Sans réseau c'est la galère, hey. Sans réseau c'est la galère, hey. Adoptamec.com. Sans honte et sans remords, je télécharge illégalement. Les virus c'est la galère, hey. Les virus c'est la galère, hey. De nombreux trésors en streaming évidemment. Sans réseau c'est la galère, hey. Sans réseau c'est la galère, ouais, c'était les trois fromages et je pense que notre ami camarade B a envie d'en parler. C'était les trois fromages en fait pour les deux morceaux, j'ai envie de dire, du moment geek pirate humour de la soirée avec les titres La base virale qui a suivi la pub et La galère d'un pirate qui sont tous les deux issus de l'album Mature et découverte. Allez, parole à notre ami camarade B qui veut parler de ce choc post-traumatique. Non, c'était bon. Voilà. C'est tout. Ouais, j'aime bien ce petit morceau qui fait un petit peu sourire. J'espère que ça aurait été tout entendre pour vous, parce que là, on va avoir des morceaux plus sérieux avec Ni Dieu ni Maître des Sales Majestés, issu de l'album du même nom, suivi de Le Jour des Fous de Cambronne, issu de l'album Je veux ma révolution, et de Respect des Charges 69. Uh-huh. Et je vois que l'heure avance vite, alors on va repartir tout de suite en putain musique dans les bonnets rouges, parce que ouais, y a beaucoup de morceaux encore à passer avec après cela. Avec le temps, tout s'en va. Oui. Va, va, va. Mais la musique. Wow. Wow. Wow. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne subirai plus les violences continues de ce système corrompu. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne supporterai plus les élites perverties, violentes et corrompues. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne croirai plus. Trop de guerre, trop de violence, de croyances corrompues. Aujourd'hui j'ai décidé que je me prosternerai plus devant Dieu et ses prophètes et ses âmes perdues. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Désormais mon seul credo sera l'ensemble le pouvoir et le partage des biens pour tout le genre humain. Et s'il faut prendre des armes, alors je le ferai pour mettre fin à ce drame que vit le genre humain. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne travaillerai plus pour défendre les intérêts d'une poignée de parvenus. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne me battrai plus pour une bande de scélérats cupides et corrompus. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne supporterai plus l'humiliation continue des élites corrompues. Aujourd'hui j'ai décidé que je ne subirai plus les violences continues de ce système corrompu. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Ni Dieu ni maître, ni seigneur ni prophète. Pour ceux trop souvent critiqués, cela ne doit pas se permettre de les juger, sans même les avoir côtoyés. À tort se mettre à baver sur ceux qui rencontrent le succès. Jouer devant 10 000 personnes est quelque chose de mérité. Sur scène à fond, ils se la donnent. Bosser dur finit par payer. C'était Charge 69 avec le morceau Respect, issu de l'album Conflit Interne. C'était précédé de Cambronne et Le Jour des Fous et de Ni Dieu Ni Maître, des Sales Majestés. Et on va continuer hardcore avec Tagada Jones, dont on écoutera le morceau Kamikaze, issu de l'album Le Feu aux Poudres. Et le morceau Ni Dieu Ni Maître, feat Poon des Black Bomb A, issu de l'album Dissident. Et comme on a Poon les Black Bomb A avec Tagada Jones pour le morceau Ni Dieu Ni Maître, et ben on écoutera ensuite du Black Bomb A avec le morceau Poison, issu de leur album Comfortable 8, sorti il y a peu. Je ce sera de la bombe. Et n'oubliez pas Fidel Fiasco demain Manchester, 21h. Merci de le rappeler, yes. C'est essentiel. Et yes. Puis c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine pour les bonnets rouges, puisque là c'est le dernier bloc, on se quitte et on se retrouve vendredi de 22h à 23h comme chaque semaine. Et surtout, et la même chose pour Skypanga. J'allais dire justement de ne pas t'oublier là, mais ouais, moi je m'oublie pas. C'est ça, faut bien une introduction au bonnet rouge. On a Skypanga de 21h à de 20h à 22h. Bonne grosse introduction de 2h, puis après ça c'est une conclusion d'une heure. Il y a rien entre les deux par contre. C'est ça. Ouais, il y a que du vent. Et après l'introduction, la conclusion, on va se prendre le digestif. Allez, c'est un petit peu ça. Ouais. Allez, Tagada Jones suivi de Tagada Jones suivi de Black Bomb A. Yes. Bye bye. Chien d'aller sauter au pied de n'importe quel citoyen. des fils se sont arrêtés. Ça sentait la rosée et le souffle a gagné. Un cardinal a sauté, notre famille à ses côtés. Notre famille à ses côtés. Notre famille à ses côtés. No harder, but no doubt. Trust!